C'est juste une simulation qu'elle te joue des tours. Je suis narcissique depuis toujours. C'est en tant que Dieu, mec, ma création, je la kiffe bien. C'est normal, le magicien joue des tours. Y a pas de problème avec tout ça, ma vie, c'est du velours. Tu te prends la tête, t'imagines des trucs. C'est juste ton ego qui te manipule pour te garder dans son truc. Dégueulasse. Prison dorée, tu parles pour 1 000 euros. Tu suces le roi des blaireaux. C'est débile, débile. T'as pas compris qu'ici, c'est juste la piste de décollage, ouais, pour ton âme. Là-dessus, tu t'enterres toi-même dans ta petite cabane. Et tu te plains de devoir payer des impôts comme un âne. Ça n'a aucun sens, mec. Lis l'évangile. Redeviens un homme. Et ta femme redevient une femme. Tout ce que j'ai à dire, mec, tout ce que j'ai à dire. Plein de cul de voir le chaos et l'hypocrisie. Et les fausses apparences à 2 balles. De cette petite société de petits whistiti.